des nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. 25 avril 1974, date historique pour le Portugal. Il y en eut d'autres au cours de cette même année 1974. Une révolution, fut-elle révolution des œillets, ne se fait pas en un seul jour. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Ah, les applaudissements le 1er mai, lorsque passaient les soldats. En ce qui concerne la police civile, c'était autre chose. La suite, c'était dans un atelier de création radiophonique, le 15 juin 1975, sur France Culture. Ça va pas s'arrêter, ça va continuer. Et on sait pas quand ça va s'arrêter définitivement, ça s'arrêtera pas. L'arrêt, pour nous, sera la mort. L'arrêt pour nous sera la mort. Et même, on va pas retourner aux casernes. ACR, atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Grandola, Portugal. Par Richard de Marcy, René Farabet, Teresa Motta. Assisté de Anne-Marie Abou, Janine Antoine, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Daniel Bizien, Monique Burguière, Michel Créis. 25 avril, 1er mai, 14 août, 28 septembre. La révolution avec œillets rouges. La rue, le stade, la maison, la radio. Lisboa, Barreiro, Alentejo. Paysans, ouvriers, militaires, le peuple et l'armée. Mouvement populaire, manifestation, discours, discussion. Quatrain populaire, Régonche, chant. La nuit du 28 septembre, de Richard de Marcy. Fragment. José Afonso, Maria Cabral, Luis Cilia, Anna Carvalho, Joan Lagarto, Colin Harris, Jean Aubet, René Patrignani, Yanis Tritsibidas. Grandola, Portugal. Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. O povo é quem mais ordena. Grandola, Vila Morena, Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade. Dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. Grandola, Vila Morena, Grande Ville Brune, fraternidade, terre de la fraternité. O povo é quem mais ordena, c'est le peuple qui commande cidade, chez toi, ô cité. Ti, ô cidade, chez toi, ô cité. Quem mais ordena, c'est le peuple qui commande. Terre de la fraternité. Grandola, Vila Morena. Grandola, Ville Brune. En cada esquina un amigo. À chaque coin, un ami. Rosto igualdade. Sur chaque visage, l'égalité. Grandola, Ville Brune, terre de la fraternité. Terre de la fraternité. Grandola, Ville Brune. sur chaque visage l'égalité, c'est le peuple qui commande. Grandola, chanson des paysans de la Lentèche. Le rythme est celui des pas des paysans rentrant du travail et se tenant coude à coude. Que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola, tua vontade. Grandola Villa Morena de José Afonso, diffusée sur les ondes de Radio Renaissance, a été utilisée comme signal convenu du soulèvement du 25 avril. Avril 74, Radio Renaissance et Radio Club, à l'aube. Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam. Les Forces Armées portugaises font appel à tous les habitants de Lisbonne pour qu'ils rentrent chez eux et y demeurent avec calme. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos. Nous souhaitons que ce moment grave que nous vivons ne cause pas de préjudice personnel qui diviserait les Portugais. Nous faisons appel au bon sens pour qu'il n'y ait pas d'affrontement avec les forces armées. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de faire couler le sang. Nous appelons les médecins à se rendre d'urgence dans les hôpitaux, espérant que leur collaboration ne soit pas nécessaire. 25 avril, émission nationale, au début de la matinée. Les forces armées ont commencé à l'aube un processus de libération du pays, de ce régime qui nous a opprimés depuis si longtemps. Les forces armées ont demandé que les forces policières n'interviennent pas pour éviter le versement du sang. Malgré ce désir, on n'hésitera pas à répondre à n'importe quelle opposition qui puisse se manifester. Le mouvement des forces armées est conscient qu'il interprète les vrais désirs de la nation et il demande à la population de demeurer calme et de rentrer chez elle. 25 avril, au cours de la matinée. La foule crie « Victoire, victoire !» Un speaker raconte que le peuple avance en accompagnant la colonne militaire et en faisant des gestes de joie. É pelo menos essa primeira conclusão que nós podemos tirar. Mesmo que as pessoas tenham as mesmas dúvidas que nós, eu digo que c'est la première conclusion à tirer, c'est que les gens sont ravis de ne plus être sous ce régime qui les a subjugués pendant 40 ans. 1926, instauration au Portugal d'une dictature fasciste. Salazar, premier ministre à partir de 1932. Les partis politiques, les syndicats, les associations sont abolis. 1961-62-63, lutte de libération nationale en Angola, en Mozambique, en Guinée-Bissau. Le speaker dit que la colonne est arrêtée car les rues sont très étroites, il y a une énorme foule, des voitures stationnées. C'est très difficile d'avancer. Tem que virar à direita e é uma rua muito estreita onde normalmente estão carros parados, estacionados, para chegar então junto lá. Maintenant la foule crie à bas la guerre coloniale. Não consigo agora perceber o sentido das palavras que as pessoas gritam. Abaixo a guerra colonial. A baixa guerra colonial. É realmente a preocupação primeira do povo português neste momento. Reprend que c'est le premier souci du peuple portugais en ce moment de terminer cette guerre coloniale. Dás licença que a gente trouxe às pessoas. Maintenant, ils vont écouter les gens. As opiniões das pessoas que aqui nos rodeiam. Ce que les gens pensent dans la rue. Que você está aqui, o que é que você sente neste momento? Que ressentez-vous en ce moment? O momento mais feliz da minha vida, o dia da independência. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Vive la liberté. Não me favorecia nada. L'ancien régime ne nous favorisait pas. Celui que nous allons imposer en ce moment sera beaucoup mieux. Et la foule reprend à bas la guerre coloniale. Baixa guerra colonial é o grito que se ouve mais frequentemente vindo das pessoas que acompanham a bala guerra colonial é o plus fréquent dans la bouche des gens. Uma palavra também que se ouviu, e há portanto quelqu'un qui a crié quelque chose d'autre. Liberdade de imprensa, imprensa livre. Liberté de presse, presse livre. Para além da guerra colonial, embora seja o grande problema do povo português neste momento, la guerre coloniale c'est vraiment le gros problème du peuple portugais en ce moment, mais qu'il y en a d'autres à résoudre, aussi importants. Un jeune cri. Dites que la jeunesse est avec ce mouvement. Quelqu'un demande si le gouvernement est déjà renversé. Le speaker lui répond qu'il pense oui, car la colonne avance très facilement. Alegria. Porquê? Os fascínios foram abaixo. Estamos fartos da guerra colonial. Nous en avons assez de cette guerre coloniale. Após 36 anos, seja o general. Seja o general Spinochet. J'ai presque 36 ans et c'est le jour le plus heureux de ma vie. Liberté de presse. Neste momento não sabemos. Et le peuple chante l'hymne national portugais. Nous avons gagné. Seja outro militarismo, pá. Agora. Uma forma de derrotar o capitalismo. O povo a vencer o capitalismo. Porque leva as pessoas atrás disto, pá, e agora as pessoas atrás disto, portanto, ser atapadas especialmente melhor, pá. No meio deste entusiasmo das pessoas, mais uma voz lúcida se fez ouvir. A voz lúcida deste jovem que disse: isto não seja outra vez uma forma de militarismo. É preciso as pessoas estarem atentas à situação. Quatre facteurs ayant conduit à la chute du régime fasciste: la lutte de libération nationale dans les colonies et à l'intérieur du Portugal, le courant anticolonialiste, le front de résistance antifasciste et démocratique, l'armée qui a rompu son alliance naturelle avec le régime, le monde des affaires divisé face à la crise. Nem grande sabedoria, eu não tenho vistas largas, nem grande sabedoria, mas dão umas horas amargas, lições de filosofia. Mas dão umas horas amargas, lições de filosofia. Quando me sinto triste e me aperto ao meu sofrer, eu pego numa caneta e uma quadra te vou escrever. Quand je me sens triste et la souffrance me ferme, je prends un stylo et un quatrain je vais t'écrire. Que idade tem a senhora? 70. Elle a 70 ans. Elle a vécu toute sa jeunesse, même jusqu'à très tard, à la campagne. Et elle dit qu'elle fait ça depuis qu'elle se connaît, les quatrains populaires. Et c'est vrai qu'autour d'elle, il y a divers cahiers, comme un cahier d'écolier qui s'appelle Caderno de Apontamentos. Oui, c'est un cahier de notes qu'elle a dédicacé à son cher fils. Son fils est parti faire la guerre coloniale pendant que cette guerre a existé. Il est parti en Angola pendant 3 ans. Et elle a resté toute seule parce qu'elle vivait avec son fils. Et pendant ce temps, elle a rempli tout son cahier avec ses peines et ses chagrins de mère et sa révolte aussi contre la guerre de l'outre-mer et des soldats qui partaient pour ces guerres qu'elle considérait injustes. Pensei tanto, tanto, tanto e acabei por decifrar. O mundo só pode ser feliz quando as guerras acabar. J'ai pensé tant, tant, tant, j'ai fini por déchiffrer. Le monde ne pourra être heureux sinon quand il aura terminé les guerres. Esta sede que me mata, esta sede que me devora, esta sede que me seca, esta sede que me revolta. Cette soif qui me tue, cette soif qui me dévore, cette soif qui me sèche, cette soif qui me révolte. Lisboa, quando acordou, viu Portugal pernas ao ar, soltou uma gargalhada e começou a cantar. Não está bem, não. Está muito bem. Lisbonne, quando ela se réveillée, ela viu Portugal tout à l'envers. Pernas, pernas ao ar. Les jambes en l'air. Ela soltar uma gargalhada. Começo com o dia francês. Ela... Gargalhada, c'est un grand éclat de rire. Gargalhada, c'est le mot divin, d'ailleurs. Gargalhada, gargalhada. C'est rire de la gorge, quoi. Elle s'épanouit en riant et elle a commencé à chanter. C'était juste après le 25 avril, donc. Quand Lisbonne s'est réveillée. C'est ça. Ceifeira, oh linda ceifeira, há de ser o meu amor. 25 avril, place du Carmo. Capitão Maia, só um minuto. Só um minuto. O que é que se passa neste momento, exatamente? On pose des questions au capitaine Maia, un des capitaines du MFA, qui commande les opérations de siège à la caserne de Carmo, bastion de la garde nationale républicaine, une des principales forces policières du fascisme. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On attend des ordres, on fait le siège. Vous savez ce qui est dans la caserne en ce moment? On pense le Premier ministre Caetano et le Président de la République. Comment allez-vous parler avec eux? Il y aura un émissaire devant la porte. Mais on ne sait pas qui c'est. On attend des ordres. Vous pensez qu'ils préparent une réaction? C'est impossible de préparer une réaction contre notre force. Escuto! Un militaire stationné ailleurs envoie un message. La place du Carmo est remplie de voitures avec les canons pointés vers la caserne du Carmo. Je n'ai que des hommes à pied. E os carros. E o resto volta à piada porque a Companhia de Infantaria 1 levou as suas viaturas para ir para o Rio e não tem contacto com eles. Escute. Estando dona Filomena, estando dona Filomena no seu balcão assentada, no seu balcão assentada. Com pente de ouro na mão, com pente de ouro na mão, o seu cabelo penteava, seu cabelo penteava. Passou ali um soldado, passou ali um soldado, logo lhe arrochou a mão, logo lhe arrochou a mão. Agora, agora, soldado, agora, agora, soldado, é agora ocasião, é agora ocasião. Meu marido foi em casa. Il y a des forces de la garde nationale républicaine stationnées un peu plus bas. Ce sont des gens dans la rue qui parlent à des reporters. Ça veut dire qu'ils viennent nous coincer par derrière. Les soldats sont stationnés avec leurs mitraillettes. Un reporter qui interrompt. Portanto, confirma-se aquilo que eles têm feito. Il n'y a pas eu de coup de feu. Ils ont tenu ce qu'ils ont promis. Il n'y a pas eu de sang, il n'y a pas eu de coup de feu. Estamos aqui. Está ali a GNR. Quer vê-los ali? Venha ali vê-los. Vamos lá vê-los. Vamos lá vê-los. Quer dizer. Aí vêm eles. O povo Ils arrivent. Outro apontamento de reportagem que é de fazer é que são as próprias pessoas que avançam para as forças de viagem. C'est le peuple même qui avance contre la garde nationale républicaine. Il aide le MFA. Il lance des pierres contre la garde nationale républicaine. Agora que sou casada, trago le peuple est partout. Il entoure complètement les forces armées, les dépasse et les aide. Il collabore avec l'armée. Il y a un drapeau portugais qui s'élève à l'endroit où la garde nationale républicaine est stationnée. A força da GNR. Divisa-se efetivamente a parte de cima de caminhão da GNR por sobre as cabeças do público. Lá vão duas, três pombinhas a voar. Uma é minha, outra é tua, outra é de quem a apanhar. Ó ferreiro, guarda a filha, não a deixes à janela. Anda aí um sujeitinho que não tira os olhos dela. Ó ferreiro, guarda a filha, não a deixes à janela. Anda aí um sujeitinho que não tira os olhos dela. Vai tu, vai ela, vai tu para casa dela. É do meu gosto, é da minha opinião. Hei de amar a moleirinha da raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião, hei de amar a moleirinha da raiz do coração. Entendido. Ora, estamos ao cimo do largo, justamente. La garde nationale républicaine est à 2 mètres des soldats. Quer dizer, portanto. Quer dizer, vemos aqui a 5 metros de nós. Isso tu expressa. Em frente dos soldados, quase se podem tocar. Entendido. Que se passe-t-il en ce moment? Ultimatum de l'armée. La police a 15 minutes pour se rendre. Le capitaine Maya donne ses dernières ordres. Une rafale sur la fenêtre en haut, au centre. Une rajada para a varanda do alto, no centro. Vamos ouvir. É um momento. C'est un moment très impressionnant pour tout le monde. Tão impressionada como nós próprios. Ninguém sai, as portas mantêm-se hermeticamente fechadas. Les portes continuent fermées, personne ne sort. La voiture blindée recule et prend sa position. Vai tomar posição certamente mais apropriada a fazer o fogo que lhe foi ordenado. Pour la dernière fois, on demande la reddition immédiate. Obrigados a fugir, uma vez que generalizou-se o tiroteio. Grava para aqui. Não houve rendição. Não houve rendição das forças fiéis ao governo. E por isso... C'est pour ça qu'il y a eu tous ces coups de feu. Il y a un reporter qui a perdu une chaussure. On perd des chaussures, mais il n'y a pas de blessés ni de morts. On entend toujours des coups de feu. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a des balles par terre. On ne sait pas d'où elles viennent. Le capitaine Maia continue à faire des appels. Continue à parler. Le capitaine Maia dit alto au feu. Il fait arrêter le feu. O capitão Maia diz alto ao fogo, mas não foi obedecido. Devem sair com a bandeira branca. Attention, vous devez sortir avec le drapeau blanc, les mains en l'air, sans armes, dit le capitaine Maia. On demande à la population de quitter les lieux. E vamos ver se conseguimos registrar o momento em que as portas se vão abrir. Ou se elas se vão manter como nas últimas três horas. On va voir si les portes vont continuer fermées. On demande à un colonel s'il y a eu de reddition. Il répond. Quand il y a une dame à couche, on ne lui demande pas si ça fait mal. Não vamos perguntar à senhora se está com dores. Mas dá a ideia, portanto, que a situação está mais grave do que pensávamos. Isto é, as forças não se serão rendido. On demande à la population de ne pas agresser les hommes qui vont sortir. Car dans ces moments, quand l'ennemi n'a pas de conditions pour se battre, il faut les traiter comme des ennemis de guerre, avec la plus grande considération. On demande le plus grand silence, pas de manifestation, qu'on ne jette pas de pierre. No meio do rio, tão pequenina, cheia de frio, eu e a Amélia no meio do rio. Tão pequenina, cheia de frio, eu e a Amélia no arvoredo. tão pequenina, cheia de medo. Eu vi a Amélia no meio do rio, tão pequenina, cheia de frio. Amélia, Amélia, anda, meu bem, que eu estou sozinho, não tenho ninguém. Que eu estou sozinho, não tenho ninguém. E ele disse-me que achava que não era com o golpe de Estado que se resolvia o problema do ultramar. Ce n'est pas par un coup d'État qu'on résoudra le problème des colonies, a dit le président Caetano au capitaine Maia dans un entretien à l'intérieur de la caserne du Carmo. O problema de que tinha que haver uma rendição imediata, porque as ordens que eu tinha era para a rendição imediata e que não queria estar a arriscar o meu pessoal. Il a pourtant accepté de se rendre. Ele disse-me que já se tinha rendido. Il attendait que l'arrivée d'un général pour lui rendre les pouvoirs. Para lhe entregar o poder, com vista que o poder não caísse na rua. Car il ne voulait pas que le pouvoir tombe dans la rue. Alguém muito importante. Il paraît que quelqu'un de très important arrive. Il y a une voiture qui s'approche. C'est peut-être le général Spinola. As pessoas tentam cumprimentar. La foule essaie de le toucher. General, nós ainda não o conseguimos. Mais on n'arrive pas à le voir. Victoire, victoire, crie la foule. Les reporters sont transportés dans l'air par la foule. Submersos pela multidão. Os soldados foram incapazes de suster as pessoas. Les soldats n'ont pas pu contenir la foule. Sem afinal temos tido a oportunidade de confirmar se era ou não. On peut pas savoir si c'était vraiment le général Spinola qui est entré dans la caserne du Carmo. Num carro preto. Não há possibilidades nenhumas de conseguirmos. Já que estamos a ser nós dirigidos pela multidão. Les reporters sont poussés par la foule. Você viu por acaso se era o general Spinola? Era o general. C'était vraiment le général Spinola. Agora abre-se aqui uma janela. Il y a une fenêtre qui s'ouvre au premier étage. Il y a le capitaine Maia qui va parler. Et demande le silence, il va parler. Caxias aos presos políticos. Há jovem ali. Il y a un jeune avec une pancarte qui dit: il y a encore des prisonniers politiques à Caxias. Bons senhores, peço o favor de tirarem da zona para podermos, portanto, reunir as forças. Je demande qu'on s'écarte pour pouvoir former les colonnes militaires. Le capitaine Maia a dit que malgré le désir de la foule de voir le général Spinola, ils ont peur car il paraît qu'il y a des tireurs de lapides sur les toits. De modo que seria bastante arriscado que isso sucedesse. E eles vão então, pediram a um elemento que já foi destacado da oposição democrática portuguesa em 1969, o Dr. Sousa Tavares, para que ele vá tentar convencer as pessoas a dispersarem, a saírem daqui, para que em segurança as forças revoltosas possam levar os membros do governo rendidos e mais outras individualidades que lá estejam dentro. Peuple portugais, on vit un moment historique comme en 1640, quand on s'est libéré des Espagnols qui nous dominaient depuis 60 ans. On a été libérés grâce aux forces armées. Programme du MFA, les 3 D. Décoloniser, démocratiser, développer. Démocratie directe de pouvoir populaire à la base à travers des comités de quartier, des conseils de village, des commissions de travailleurs. Construction d'une société socialiste de type démocratique et pluraliste. Le mouvement des forces armées informe la nation qu'il est arrivé à forcer l'entrée de la caserne de la garde nationale républicaine au Carmo, où se trouvait l'ancien président du Conseil et d'autres membres de son ex-gouvernement. Le régiment de Lanceiros II, où s'étaient réfugiés d'autres éléments de son ex-gouvernement, s'est rendu au MFA sans qu'il ait été nécessaire d'employer la force. La quasi-totalité de la garde nationale républicaine, y compris son commandant et des éléments de la police de sécurité publique, se sont déjà rendus au MFA. Le MFA remercie la population civile de toute la tendresse et de l'appui qu'elle a prêté à ses soldats et insiste sur la nécessité de garder son civisme. Il demande aussi que la population reste chez elle pendant la nuit pour ne pas gêner les opérations en cours. Il prévoit la reprise des activités normales demain, 26 avril. Viva Portugal! Povo e Forças Armadas formam Força e União. Continuem sempre assim, já não volta a reação. Peuple et forces armées forment force et union. Continuez toujours ainsi, la réaction ne retournera pas. 25 de abril, dia feliz do ano, em que foi derrubado o governo Marcelo Caetano. 25 avril, jour, le beau jour de l'année, où a été dérouté le gouvernement de Keitar. Portugal, que viveste anos de solidão, hoje acordastes como uma rosa. Ai, já não tenho outra vez. Mais uma vez. Hoje de manhã abriste como uma rosa em botão. Portugal, que viveste anos de solidão, hoje de manhã acordastes como uma rosa em botão. Portugal, leia outra não vez. Não está bem, pois não. Está. Outra vez. Portugal, que viveste horas de solidão, hoje de manhã acordastes como uma rosa em botão. Portugal, que a vécu des années de solitude, ce matin tu t'es réveillé comme une rose en bouton. Coitado do pobre Zé, trabalhando por esses caminhos, sem pensar na maldade dos que se diziam bonzinhos. Malheureux le pauvre Zé qui travaillait dans ses chemins sans penser à la méchanceté de ceux qui se disaient très bons. Le pauvre Zé, ici Zé c'est diminutif de José. José. Não chores mais Portugal, porque já não estamos sós. Os nossos presos políticos já se encontram entre nós. Ne pleure plus Portugal, parce que nous ne sommes plus seuls. Notre prisonnier politique, on les retrouve parmi nous. Proclamação da Junta de Salvação Nacional. General Spinola, 25 avril. Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, Antonio Ribeiro de Spinola, né em 1910 a Estremoz, no sul do país. Oficial em 1936, se porta voluntário nas tropas franquistas em Espanha. Est envoyé en 1941 auprès des troupes hitlériennes combattant en Russie comme membre d'un groupe d'observateurs militaires portugais. 1961, la lutte armée éclate en Angola. le lieutenant-colonel Spinola se porte volontaire pour cette colonie. 1968, le général Spinola est envoyé en Guinée-Bissau comme commandant en chef et gouverneur. Nous assumons la responsabilité de garantir la survie de la nation comme patrie souveraine dans sa totalité pluricontinentale. Promover desde já a consciencialização dos portugueses. Extrait d'une interview accordée par Amilcar Cabral quelques jours avant son assassinat en janvier 1973, à l'époque où Spinola est gouverneur général de la Guinée. Spinola a mené dans mon pays une politique que nous appelons politique du sourire et du sang. Bombardement au napalm, les crimes les plus barbares, attaques terroristes avec des hélicoptères, destruction du village, incendie de culture, meurtre de femmes et d'enfants, utilisation de produits toxiques sur nos cultures. Voici l'aspect que nous appelons le sang. Mais la politique du sourire et du sang de Spinola, le représentant portugais venu christianiser l'Afrique et qui maintenant demeure pour construire des mosquées et pour envoyer des musulmans à la Mecque, n'a donné aucun résultat dans notre pays. Éviter, pour tous les moyens, que d'autres forces puissent interférer num processo que se deseja iminentemente nacional. Pautar a sua ação pelas normas elementares da moral e da justiça, assegurando a cada cidadão os direitos fundamentais estatuídos em declarações universais e fazer respeitar a paz cívica, limitando o exercício da autoridade à apologia da guerra, da liberdade do cidadão. Demain, quand viendra l'heure de partir, beaucoup ne sauront pas que leur ennemi marche à leur tête. Cette voix qui les commande, c'est la voix de l'ennemi. Qu'importe, l'essentiel est qu'il marche. Pour toi, paysan, qui suis-je? Tu marches derrière moi et je t'emmène au combat. Le ciment d'un peuple, c'est le sacrifice et la douleur. Heureux, les affamés, et les persécuter. La guerre fait oublier la misère. Ceux qui guident la colonne disent au bout du chemin la gloire. Ceux qui font la colonne répètent au bout du chemin la gloire. Je sais bien ce qu'ils pensent. Au bout du chemin la tombe. Qu'importe. Tous rêvent de gloire, de trophées sur les rebords de cheminées, de portraits encadrés, de brassards noirs au bras, et qu'importe le nombre des morts, un fils de 20 ans fauché par la mitraille, c'est la gloire, un pécor, à gloria patria. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Chamava-se Catarina, o Alentejo a viu nascer. Serranas viram na vida, Valença-o a viu morrer. Serranas viram na vida, Valença-o a viu morrer. Elle s'appelait Catarina, l'Alentèche l'a vue naître. Oui, Catarina Euphémia est une jeune paysanne de l'Alentèche qui est devenue sous le fascisme, on peut dire, le symbole de la résistance, de la lutte clandestine et en même temps du courage politique, puisqu'elle a été assassinée, pas comme dans les prisons de la Pitre, dans l'obscur, mais en plein jour, dans les champs de Balaisan, par un policier alors qu'elle marchait à la tête d'une manifestation pour demander à ceux d'un village voisin de cesser aussi le travail et de venir avec eux demander du pain, du travail aux latifundières, aux grands propriétaires terriens. Aujourd'hui, évidemment, Catarina Euphémia prend encore une nouvelle dimension dans la symbolique politique portugaise. Le chant de Catalina Euphémia était interdit, cette chanson de José Afonso était interdite sous le fascisme. Et c'était encore un des moyens pour alimenter la lutte clandestine de ce patrimoine révolutionnaire. mai 1954, Alentejo, au temps de la lutte clandestine. La colonne des paysans de Balaisan avançait calmement pour dire à ceux de Penedgordo d'arrêter aussi le travail. Il faisait si chaud ce jour-là dans les champs de Balaisan. Le lieutenant Carajol tenait sa mitraillette neuve sur le ventre. Il m'a tiré dedans. Il m'a tiré dedans. Tous les ans, les paysans placent des pierres blanches dans les champs, là où je suis tombée. Tu te souviens? Souviens-t'en. Ils m'ont tué dans les champs. Quel grand silence dans le cimetière de Balaisan. Qu'est-ce que tu veux ? A crié le lieutenant Carajol. Du pain pour mes enfants. Paix et travail. Pain para os meus filhos. Paz et travail. Pain. Paz. Pain, paix, travail. Pain, paix, travail. Pain, paix, travail. Pain, paix, travail. Chamava-se Catarina. Le 1er mai à Lisbonne, en 1974. Dans un stade au cœur de Lisbonne, où les gens se réunissaient avant, le dimanche, pour les matchs de football. Le Portugal uni ne sera jamais vaincu. Camarades, Se alguém queria saber quais eram os sentimentos, qual é a vontade, quais são os objetivos do nosso povo, hoje, este dia, deu a resposta. Pour la première fois, on parle de classe ouvrière dans ce discours à Lisbonne. Esta imensa manifestação, pela possibilidade da sua realização e por si mesma, la classe ouvrière, é a afirmação irrefutável de que a classe operária, o povo trabalhador, le MFA, todos os democratas, le mouvement démocratique, a nação portuguesa inteira, estão firmemente tout le Portugal, a levar até ao cabo est fermement décidé à tuer le fascisme, à consolidar e alargar as liberdades, à pôr fim à guerra colonial, à construire la liberté, à terminer la guerre coloniale et à instaurer un régime démocratique. São estes os objetivos fundamentais da hora presente. Eles podem e devem ser alcançados. E se o quisermos, sê-lo-ão. Camaradas, em 25 de abril, as Forças Armadas destituíram o governo fascista e colonialista de Marcelo Caetano. Mas foi hoje, foi aqui, que nós destruímos o fascismo. Premier mai, 500 000 personnes manifestent à Lisbonne. C'est la fête dans les rues de Lisbonne, ce 1er mai, où la foule se manifeste et crie sa joie. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Des doigts qui font le V de la victoire. Des applaudissements quand des soldats passent. Com o sinal do V da Vitória. Há vivas, há aclamações, sempre que passam as Forças Armadas, sempre que se aproxima outro grupo de manifestantes que vêm da Avenida do Aeroporto, entram na Praça do Arieiro e se encaminham depois para a Alameda do Afonso Henriques ao encontro dos manifestantes que ali se concentraram. Sous une pancarte où on peut voir les exilés politiques en France saluent les forces armées et le mouvement démocratique. Il y a le chanteur Luís Cília qui parle. Je salue les forces armées libératrices. Partout dans le monde, les forces armées sont tout précises, pas ici. Tiraste-me o direito à vida, mas eu vivo. Mandaste-me prender, mas eu sou livre. Que não pode morrer, não pode ser cativo. Quem pela pátria morre e só por ela vive. Vi os campos florir, mas não ouvi. Raparigas cantando em nossas eiras, nossos frutos eu vi levar e vi. Na minha pátria, as garras estrangeiras. Vi os velhos e os meninos assentados. Nos degraus da tristeza vi meu povo cismando. Vi os campos desertos, vi partir soldados. Sobre o meu povo negro os corvos vi pairando. senhores e amigos, que aqui, todos, numa só voz, que estou certo será hoje a voz de ponta a ponta de Portugal. Déclaration, quelques mois plus tard, du banquier Champalimau, monopole de la sidérurgie et de la métallurgie au Portugal et en Angola. Les ouvriers sont actuellement trop libres. Il faudra mettre un frein aux revendications des travailleurs. Il ne faut pas perdre la liberté que nous avons conquise. Il ne faut pas tomber dans une action communiste. Certamente com muita alegria na vida do seu sindicato. Sim, senhoras, soldados particularmente e coletivamente. Sou pintor de automóveis na sociedade comercial. Sindicalista, ouvrier, com 62 anos, peintre doutor, que parle fazer-lhe uma reforma com 40% des injustices faites aux retraités dans son entreprise, dans l'entreprise pour laquelle il travaille. Rei de governo era aquele que só se preocupava. Quel foutoir ce gouvernement fasciste. Que raio de governo era aquele que só se preocupava com a organização da polícia e do futebol? Quel foutoir ce gouvernement qui se souciait seulement de la police et du football. A quem é que e com que garantias é assegurada a proteção nos acidentes de trabalho e suas consequências? Que raio de governo era aquele que tratava os trabalhadores como se trata um boi que dele apenas quer a força de trabalho? Quel foutoir ce gouvernement qui traitait les travailleurs comme des bœufs dont on tire la force de travail et la puissance. Que raio de governo era o governo fascista que só nos dava o exílio, a imigração, a miséria, o bairro da lata, a espelunca, a fome, a peste, o trabalho de escravo, a miséria. Quel foutoir ce gouvernement qui ne nous donnait que l'exil, l'immigration, les bidonvilles, l'esclavage, la misère. Um outro homem que simbolicamente leva, portanto, como que umas algemas com as cadeias rebentadas. Como é que. Um ouvrier metalurgiste, autrefois poursuivi par la PIDE, se promène symboliquement avec des chaînes brisées au poignet. Acabar tão rapidamente conforme acabou. E parle. Sou operário metalúrgico. Sou indivíduo que tenho lutado pela defesa dos trabalhadores. J'ai beaucoup lutté pour les travailleurs. Sofrido muito pelos grandes maus-tratos. J'ai beaucoup souffert. Polícia que se chamava PIDE. PIDE, Police Internationale de la Défense de l'État. Personnel permanent, 2304 personnes. Réseau de 20 000 à 30 000 informateurs. Il faut que tous les travailleurs portugais. Isto é tudo rosas. Sache que ça n'est pas que des roses. Il nous faut encore beaucoup de sacrifices. Il nous faut lutter. Il nous faut tuer les requins qui sont encore en vie. Je vois que ce qui estrague ici, c'est une liberté. Les escravos sont le sang des Portugais. 26-30 avril, le siège de la PIDE est encerclé par la foule. Les PIDE sont arrêtés par le MFA. Les prisonniers libérés. Les exilés peuvent rentrer. Torture du sommeil, employée par la PIDE. Témoignage d'un prisonnier, j'ai été soumis à la torture du sommeil. Gardé par un policier, je ne pouvais ni de jour ni de nuit fermer les yeux. Dès que je m'endormais, il se levait ou faisait tomber un cendrier par terre. Torture de la statue. Debout, immobile, tourné vers le mur où sont fixées à hauteur des yeux les questions de la PIDE, les prisonniers restent jour et nuit dans cette position sans pouvoir dormir. Les repas pris debout également. Jamais sera vaincu. depois nós sempre temos sido vítimas, aliás, éramos vítimas do fascismo. Portanto, ficaram le 1er mai s'est passé aussi ailleurs qu'à Lisbonne, à Barreiro, portanto, une ville ouvrière de l'autre côté du Tage, qui a déjà sa tradition dans sa lutte contre le fascisme. Des gens parlent et disent leur témoignage de cette lutte. Lisnard, juillet 74, manifestation organisée par les travailleurs et interdite par Spinola, qui a envoyé la troupe sur place. Les ouvriers crient aux soldats. Les soldats sont les fils des ouvriers. Soldats, ouvriers, paysans, tous le même combat. Les soldats sont ouvriers et les ouvriers ont déjà été soldats. Les soldats ne tireront pas sur les ouvriers. L'officier donne l'ordre à tous les soldats de mettre leurs baïonnettes au canon. Les soldats ne bougent pas. Un délégué leur dit : camarades soldats, les camarades ouvriers ont décidé d'avancer. Les soldats ouvrent le barrage. Août 74, poème de la Segantale. Vive les ouvrières de la Segantale, filles vraiment courageuses. Ce n'est pas un Français de rien du tout qui va nous dicter sa volonté. Unis, en avant camarades, nous n'avons peur de rien. À bas les patrons français, vive les Portugais. Vous voulez le travail fait et sans payer les salaires. On sait bien qu'ainsi on finirait comme des esclaves. Temos tido muita gente, eu mesmo pessoalmente, tenho imensas pessoas da minha família que sofreram em Caxias, em Peniche. Já caminhei muito para a polícia da PIDE e, portanto, este 1 de maio é a coisa melhor, mais importante da nossa vida. Portanto, o povo português e o povo da Marinha Grande está todo entusiasmado e não tenho mais palavras, isto não tenho mais. Falou muito bem, minha senhora, mas não me disse o seu nome e qual é a sua profissão. Une femme qui travaille dans une ville dans le nord du Portugal est venue à Lisbonne pour le 1er mai. J'étais téléphoniste, j'ai été mise à la porte par un sale fasciste parce que je suis allée à mon syndicat. La principale tarefa du moment consiste em mantermos a unidade das forças populares. Le principal travail en ce moment est de maintenir l'unité des forces populaires. A segunda condição do êxito, essencial para assegurar a vitória definitiva, é a aliança do povo com as forças armadas. La deuxième condition de succès, c'est une alliance entre le peuple et les forces armées. Devemos fazer tudo, queridos camaradas. Devemos fazer tudo para que se reforce cada dia e se torne irreversível a aliança, a cooperação, a solidariedade recíproca entre as massas populares e o movimento das forças armadas. Nous devons tout faire, chers camarades, pour que cette alliance devienne irréversible et définitive. O fascismo procurou cavar o divórcio e uma barreira de ódio entre os seus filhos, o povo e os militares. Que se estreita a fraternidade entre as massas trabalhadoras e os oficiais do movimento das Forças Armadas, entre as massas trabalhadoras e os soldados e marinheiros. Le fascisme a tout fait pour le divorce entre le peuple et l'armée. Que l'armée et le peuple deviennent unis. Que le peuple s'unisse. Para que no próximo ano, no 1 de maio, já num regime democrático, já acabada a guerra, tenha lugar não só uma grande manifestação dos trabalhadores e de todo o nosso povo, mas também, se assim desejarem decidirem os seus dirigentes, uma grande parada das Forças Armadas, fiéis aos objetivos democráticos do movimento revolucionário de 25 de abril. Nós souhaitons que no próximo 1 de maio, já sobre o regime democrático, il y aura une grande manifestation, non seulement du peuple et des ouvriers, mais aussi un grand défilé des forces armées. Un Lutte revendicative. Mai 74. Vague spontanée et généralisée de lutte. Pour les salaires, les horaires. Le licenciement des fascistes. Préstructuration syndicale. Début de la vague de licenciements collectifs. Fin mai, le salaire minimum est fixé à 3300 escudos par mois, ce qui parfois double les salaires de 49% des salariés, agricoles exclus. Juin-juillet 1974, accroissement des licenciements collectifs, en particulier dans les firmes multinationales. Lutte plus radicalisée, mais plus localisée. Dans Lisbonne, les murs portent évidemment les traces des événements politiques datant du 25 avril et après le 25 avril. En ce sens, c'est un peu une mémoire de tous ces événements qui se sont succédés. Il y a beaucoup d'affiches. À qui là en haut? Il y en a à Comicio. Portugal unido no será vencido. Ligue para la construction du parti révolutionnaire. C'est ça. Portugal uni ne sera pas vaincu. Uni de vencido. D'ailleurs, on voit, les syllabes font de la rime. Ici, la rime est très utilisée. Par exemple, Lisboa, libertad, non deve ser desfigurada. Ada e ada, libertade e desfigurada. Lisbonne libérée ne peut pas être défigurée. Ici, une affiche de publicité. Vamos todos trabalhar mais e melhor. E melhor. Vamos todos trabalhar mais e melhor. Cela veut dire, allons tous travailler plus et mieux. Na liberdade conquistada. Dans la liberté conquise. Na liberdade conquistada. Dans la liberté conquise. Et pour la reconstruction d'un Portugal nouveau. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il y a beaucoup, le programme des forces armées, le programme vraiment avec tous les chapitres, 1, point 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est affiché partout dans les murs. C'est en fait un grand bandeau. Rouge et vert. Rouge et vert avec en haut la tête du MFA. Voilà. Août 74, 14 août. Lors d'une manifestation interdite en faveur du MPLA, la police fait un mort. Incident violent autour du cercueil. Mando eu, les révolutionnaires portugais, sympathisants des mouvements de libération des colonies portugaises, prétendront faire un comice, un meeting pour informer la population de Lisbonne qu'est-ce qui se passe dans la colonie. Le gouvernement portugais de Spínola avait interdit le meeting. Puis, les manifestants ont fait une manifestation pour protester contre la répression exercée par le gouvernement. Le gouvernement. La police est venue. Ils sont venus à la place après que les commis aient commencé. Et ils n'ont pas chargé, mais ils ont dispersé les gens sans charger. Après, ils sont restés dans la place, la police militaire et la police civile. Et après un certain temps, la police civile a chargé sur les gens qui étaient là, parce que personne n'est sorti de la place. Ils ont chargé. Et la police militaire n'a pas intervenu. Ils étaient là seulement dans une position de gardes et tout, mais sans frapper les gens. Et quand ils sont sortis la première fois, la police civile, ils sont sortis après la police militaire dans une queue. Les gens ont jeté des pierres sur la police civile, pas sur les militaires. Alors, quand ils étaient déjà en train de sortir de la place, quelqu'un de la police, les gens qui étaient dans les cars de la police civile, ont sorti de mitraillettes et ont tiré sur les gens qui étaient à côté de la voiture là, en sortant de la place. Ils ont tué un Portugais. Quem passou por cima? Quem é que ficou por cima do carro com uma boca na mão? Quem é que passou por cima senão a CDE? A polícia de choque nova. Mas polícia gastou a polícia matou tapas. A polícia matou um frio, um cidadão britânico. Fez uma morte, a polícia, passou, não se passou nada ontem aqui. Dans la rue, on traumatise les événements. Mas o que é que querem saber dos kits militares? O que é que querem saber aqui dos nossos soldados? Não há problema. E então digam a França que o fascismo cá continua. A nada. Diga lá em França, cá em Portugal. Você fala em francês? Sim, sim. Fala em francês. Ici, tout le monde sait que les communistes ont conquis plusieurs syndicats, plusieurs liens dans la presse, plusieurs liens d'administration. Et millions de personnes ont peur maintenant ici au Portugal que le Parti communiste prend le pouvoir ici et nous fait une dictature telle que la Russie. Ce n'est pas les MRPP, ce n'est pas les autres choses, mais c'est maintenant ici. On a peur du Parti communiste portugais payé par la Russie. Mora cunhal. Lisboa. La canaille rouge. Tous les dimanches, je leur dis à genoux. Je les aligne, à gauche les femmes, à droite les hommes, à genoux, et je sermonne. La nuit du 28 septembre, discours du curé. Peste. Le choléra rouge se lève comme des braises ardentes sur notre route. Pas de repos. La possession démoniaque est parmi nous. Je les secoue dès le berceau. Je leur donne ce qui leur manque. La fièvre de la foi. Il faut que chacun ressente la douleur du crucifié, le ronflement de la douleur. Ces pécores, ils ne croient en Dieu que parce qu'ils craignent les coups de la foudre. Ainsi parle Yahvé à Sabaoth, celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Des curés, sommes-nous bien loin de la ville? Je leur remplit la panse. Je les arrose de vin de maïs. Et après ça, je leur secoue la tripaille. Un sermon, c'est comme le rythme d'un train. Des portes qui claquent, des voix, des adieux déchirants, des essieux grinçants sur les rails et le sifflement obsédant, l'éternel bruit des roues. Un sermon, c'est une locomotive en feu qui fonce vers la capitale, un train qui cogne dans les gares, l'orage ou le crâne d'un sourd. Des curés, sommes-nous bien loin de la grande ville? Demain, quand tout sera fini, nous irons à Fatima. La Vierge pure nous apparaîtra et nous laverons le peuple de tous ses péchés par un nouveau baptême. Tous les dimanches, je leur dis racailles, racailles rouges, contre leur campagne d'alphabétisation et d'éducation sanitaire, pédasses, préparons des sacs de pierre contre les démons rouges qui nous voleront nos terres. Préparons le grand jour de la colère. Le crucifié nous regarde. Et leurs élections? Leurs élections, moi aussi je les prépare. Je le répète tous les dimanches à la petite aube. Celui qui mettra la main dans l'urne du péché sera maudit pour l'éternité. Le gouvernement, le matin, avait demandé à tous de ne pas faire partie du comice. Il avait demandé de ne pas prendre aucune position parce que l'MPLA n'est pas reconnu encore. Il y a beaucoup de mouvements en Angola et l'MPLA n'est pas reconnu. Comme il n'est pas reconnu, il n'avait pas le droit de démontrer, de venir sur les rues, parce que le gouvernement avait dit non. C'est le gouvernement provisoire, il faut qu'on le suive. Maintenant, on doit construire un Portugal nouveau. Et pour construire un Portugal nouveau, il faut que tous, on soit avec le gouvernement du général Spinola. Puis, on ne peut pas prendre un autre côté. Il n'y a pas de temps encore. Les gens ne sont pas préparés encore pour les partis. Puis, il faut suivre une politique générale. Et la politique du général Spinola, c'est la politique de 90% du peuple. Alors, les 10% n'ont rien à dire jusqu'aux prochaines élections. Après les élections, on verra. Mais à ce moment, il est trop tôt pour prendre des initiatives, soit de l'MPLA, qui n'est pas reconnu parce qu'il y a l'UPA. À mon avis, c'est faux dire que 90% du peuple, que le gouvernement du général Spinola gouverne pour les 90% du peuple. D'autre côté, je pense que dire que MPLA n'est pas reconnu, c'est faux, car MPLA a lutté contre le fascisme et contre le colonialisme portugais pendant 13 ans consécutifs avec les armes. Et en effet, le MPLA est reconnu comme le vrai mouvement de libération en Angola. Je pense que nous, sympathisants du MPLA, devons participer à cette manifestation et que l'interdire, c'était faire le jeu de réaction. Dá para dar com os filhos, homem. Olha que não era capitalista, não sou uma maravilha, também sou serralheiro. Tenha juízo, homem. Casse com eles, homem. Casse com uma mulher deles. Dans la rue, après les meetings, les gens discutent avec passion à propos des colonies. Alors qu'il y en a qui disent que les Noirs sont des primates, d'autres accusent les curés d'être les vrais coupables du colonialisme. Elle a encore d'autres qui crient « Mort à la pide ». Étape de la décolonisation portugaise. 19 juillet 1974, promulgation de la loi constitutionnelle sur droit à l'indépendance des territoires d'outre-mer. 17 septembre 1974, Guinée-Bissau, accession à l'indépendance à la suite de l'accord d'Alger du 26 août. 6 septembre 1974, signature à Lusaka de l'accord fixant la date de l'indépendance du Mozambique au 25 juin 1975. 26 novembre 1974, signature à Alger d'un accord prévoyant l'indépendance des îles de São Tomé et Príncipe pour le mois de juillet 1975. 19 décembre 1974, signature à Lisbonne de l'accord arrêtant l'indépendance du Cap-Vert pour la date du 5 juillet 1975. 15 janvier 1975, accord de Penima, fixation de la date de l'indépendance de l'Angola au 11 novembre 1975. Mais comment on a trouvé des grosses fortunes sinon en exploitant le noir comme un esclave? L'autre répond, mais voulais-tu exploiter des blancs? Le premier reprend, mais alors c'est pire d'exploiter des blancs? Et l'autre, mais évidemment. Et le premier reprend, mais non, le mauvais c'est d'exploiter des hommes parce que moi je ne regarde pas la couleur de la peau. Les étrangers à cheveux roux qui parlent américain se sont infiltrés parmi les membres du MRPP, ces petits garçons qui sont les fils du grand capital et qui ont de grosses voitures de sport. Ils ne font que le désordre. Ce parti doit être banni. Ces MRPP sont comme aconteceu no Chile. São os filhos das mamães, as mamães MRPP sont pareils à ce qui est arrivé au Chili. Ce sont des fils à maman avec des grosses voitures qui essaient de faire la même chose ici. Os lacaios da CIA americana, os americanos são les valets de la CIA américaine. São esses indivíduos de cabelo loiro, ruivos a falar estrangeiro. Ces gens aux cheveux roux, português, ou blanc, até a sua maneira de qui parlent l'étranger, ou qui parlent un mauvais portugais, dans même la façon de marcher et de s'habiller. Povo trabalhador, nós somos trabalhadores, e eles são os réactionnaires. Ils sont contre le peuple. Nous sommes des travailleurs. Ils sont des réactionnaires. Ce sont les Américains qui sont ici, avec de grosses voitures. Parti politique au Portugal. PSP, PCP, MDP. Les fascistes ont retourné la veste et sont rentrés dans le Parti libéral. PPD, CDS. Le fascisme devra être banni à tout jamais. Pour que le Portugal devienne plus propre. FSP, MES, LUAR. Comment veux-tu mener la lutte idéologique dans un parti dont la direction est complètement pourrie? Mais non, ce sommes nous qui choisissons la direction. La lutte se mène dans les cellules. PRP, BR, LCI, MRPP, UDP, Quem? Quem determina a linha são as células no seu conjunto. É para não me lixe. Se o povo tivesse politizado, todo o povo tivesse politizado, que nós, o povo, não temos culpa. Se todo o povo était politisé, se on nous avait pas tout caché pendant 50 ans, le peuple ne serait pas contre le peuple maintenant. Moi, j'enverrai tout le monde travailler dans les travaux du métro, dans les chantiers, en Angola à faire des routes, en prison. Ce qu'ils ont besoin, c'est de travailler. Angola, cavaca pim, vou para Angola fazer estradas, prisão e tudo. Ouvriers et paysans unis vaincront. Já saindo por esses campos fora, que amanhã vem vindo nos lábios da aurora. Nos lábios de aurora, amanhã vem vindo. Por esses campos fora, paysans de l'Alentejo, près d'Évora. Avant, ils faisaient de la semence, et maintenant, c'est fini. Maintenant, les semences sont terminées. Ils ne veulent pas donner du travail. Ils préfèrent investir dans la chimie. La chimie. Oui, pour qu'ils restent sans travail, exprès. Il y a un mas desempregados. Ah, muitas, tanto agora. Então, se for assim, chega a pouco já todos desempregados. Agora, il y a beaucoup de femmes. Ils sont au chômage. Oui, les femmes ici ont beaucoup besoin de travailler, parce que souvent, les hommes sont partis aussi en immigration et tout. Et agora, para andar dar trabalho, sabe o que é que eles agora vão fazer? Vão faire la semer, mettre la semence des tournesols, comme ils ont des machines comme ça, tous ces gens n'auront pas de travail. Ils n'auront pas de boulot, non? Parce qu'ils font tout, tout, tout pour les empêcher de travailler. Até porque nós temos cá muito trabalho. Nós agora não tínhamos mundo. Mandavam-nos a apanhar pedra, mandavam-nos limpar as ribeiras. Elle dit qu'il y a beaucoup de travail ici, beaucoup à faire, comprendre des pierres, etc. Et même dans les terres, et que les messieurs sont les docteurs les empêchent complètement. Só aquela propriedade que a gente hoje, assim, se aquilo for avante, que deve via dire mesmo, ou lá mesmo, só limpar as árvores e cortar lenha e aquilo tudo. Monsieur qui a parlé de la préparation de la coopérative, il dit qu'il y a beaucoup de travail à faire dans cette terre non cultivée qui appartient à la grande latifondière. Il y a énormément de travail. Si la coopérative avance, si aujourd'hui ils attendent une réponse, parce qu'un d'eux a été dans la ville la plus proche, la ville d'Istri, qui est allé demander aux forces armées qu'est-ce qu'il faut faire, s'ils peuvent vraiment l'occuper. Ils ont un petit peu peur que les autres les jettent au dehors. Et il dit que là, il y a beaucoup de travail, couper les arbres, etc. Qu'il y a un travail fou pour tout le monde. Nettoyer les oliviers, c'est un grand terrain très long. Ils attendent de pouvoir l'occuper à partir de la nouvelle que l'autre qui vient dans l'autobus aujourd'hui, qui arrive ici, il va pouvoir prendre une décision. Parce qu'aujourd'hui, ils seront ici dans cette ville selon ce que les forces armées, le mouvement des forces armées vont leur dire. Ils ont été demandés conseil au mouvement des forces armées pour prendre des décisions d'occuper la terre, pour faire leur coopérative. Ce qui se fait déjà dans d'autres régions plus basses du sud, oui, près de Béja, oui, etc. Oui. Où là, les forces armées, le mouvement des forces armées leur a donné toute l'autorisation d'occuper cette terre non cultivée exprès par les latifondières. Parce qu'il y a beaucoup de chômage et beaucoup de gens sans travail. Les grands patrons, les grands latifundières, leur disent tout le temps que après le 25 avril, tout va mal. Ils ont beaucoup d'espoir que ça retourne en arrière. Ces paysans sont les paysans du sud du Portugal. Les paysans du sud, oui, c'est-à-dire d'une région, l'Alentejo, une région riche en traditions révolutionnaires. Traditions révolutionnaires qui viennent de la lutte clandestine, et c'est aussi la région du sud où aujourd'hui se déroulent les luttes de la paysannerie les plus dures. Les occupations de terres, les premières occupations de terres ont commencé là, et surtout l'expulsion des grands propriétaires terriens, les latifundières. Parce qu'il y a des grandes exploitations agricoles. Oui, oui, c'est là où il y a effectivement des grandes exploitations agricoles et où il y a une grande catégorie d'ouvriers agricoles. Alors qu'en fait, le nord est fait de petites propriétés. Et le Nord est une des régions les plus réactionnaires, incontestablement. Et la paysannerie du Nord a été une des paysanneries qui a été le plus délaissée et en même temps aliénée par le fascisme. Isolée dans des montagnes, comme on dit dans la pièce, les villages nichés dans les montagnes de Trás-os-Montes, Oumigne, etc., avec les curés, les caciques locaux, une domination de notables et de curés très très forte. Et d'ailleurs, toutes les tentatives contre-révolutionnaires de ces temps derniers ont tenté de faire partir aussi les choses du Nord, le 28 septembre en particulier. Et un dirigeant politique disait, 2 mois après le 28 septembre, l'expérience a montré que la révolution gagnée dans les villes peut être perdue dans les campagnes. C'est incontestable que la paysannerie, qui est restée étrangère au 25 avril, tous ces villages du Nord, eh bien on entend souvent des militants dire « mais il faut que le 25 avril arrive ». À ces villages, arrive à cet endroit. Et c'est ce qui explique le mouvement de dynamisation culturelle du MFA et la création aujourd'hui d'une tentative de ce qu'on appelle le MFA civil, c'est-à-dire de liaison de la dynamisation du MFA avec la population en créant des conseils de village pour mettre à bas toutes ces structures héritées du fascisme et ces notables locaux qui dominent et terrorisent encore la population. La peur est encore très forte, évidemment, dans le Nord. Vamos! De presse! Por aqui! Vite! Hoje, às 18h30, não se esqueça, vá ao teatro. Às 18h30, hoje, no Teatro Garcia de Rezende, à noite do 28 de setembro. Às 18h30, hoje é às 18h30, o teatro. Teatro no Garcia de Rezende, à noite do 28 de setembro, de Richard de Marcy. Não digo o autor. Política, casa Richard de Marcy, la nuit hoje, du 28 septembre. Às 18h30, no Teatro Garcia de Rezende, grátis aos militares. A noite do 28 de setembro. Hoje, às 18h30, no Teatro Garcia de Rezende, entrada 20 escudos, a noite do 28 de setembro, grátis aos militares. Às 18h30, hoje, no Teatro Garcia de Rezende. Às 21h30, concerto com o compositor italiano Luigi Nono, entrada livre. Às 18h30, a noite do 28 de setembro, última representação desta primeira série. Hoje, às 18h30, no Teatro Garcia de Rezende, última representação desta primeira série da peça, a noite do 28 de setembro, quando a política casa com o teatro. Très bien. Dis-leur que c'est tarif réduit, non pas cela. C'est pourquoi donc ces personnages descendent du Nord, ces catégories très typées des trois personnages, général, torero, curé, hystérique et délirant, et surtout ce quatrième personnage, Ucampoño Enganado, trompé, qui lui ne sait pas que dans le cercueil, il y a non pas une morte, la mère du torero, comme lui on dit parfois dans la pièce, avec humour à ce moment-là, mais une cargaison d'armes pour descendre vers Lisbonne, à la revanche à Desfora, au matin du 28 septembre. La revanche après le 25 avril, car tout l'été, la droite a rêvé de sa revanche et l'a préparée. À couteau tiré, c'était sûr. Nous sommes sur la route qui descend de Trás-os-Montes vers Porto et nous conduisons un mort à la ville. Il nous faudra passer plusieurs ponts et nous savons que certaines routes sont coupées. Le cercueil est lourd et la famille nous attend pour les funérailles. Cette nuit, noire comme le cul de l'enfer, nous permettra d'éviter bien des pièges et de passer au travers des mailles du filet. Hé, curé ! J'en remercie le Seigneur. Et le 28 septembre, c'est cette situation. La revanche de la majorité silencieuse. C'est ça, oui. Spinola avait fait un appel 15 jours avant à l'occasion de sa mainmise sur le dossier de l'Angola, en essayant d'éviter la tentative de décolonisation de l'Angola que le MFA était en train d'accélérer. Et les contradictions entre Spinola et le MFA étaient quotidiennes tout l'été. Il y avait une situation d'une tension très très grande. Enfin, beaucoup de ceux qui étaient là sentaient qu'un second Chili pouvait être présent avec le Pinochet nouveau, comme on l'appelait là-bas, c'est-à-dire Spinola. Le 28 septembre, 15 jours avant, Spinola fait un appel à la majorité silencieuse contre les extrémismes. Et la droite se regroupe et commence à se préparer avec une affiche qu'elle répand partout, dans les villages, sur les murs de Lisbonne, et même lâchée de ses tracts avec appel, et en grand écrit dessus, « 15 horas praça do Emper, Embelem ». 15 heures, place de l'Empire, à Belém, c'est juste en face du palais présidentiel, c'est une sorte de plébiscite. Et là, Spinola reprenait une tradition tout à fait salazariste, une arme du salazarisme, qui d'ailleurs était une arme autant de propagande que d'aliénation. Salazar, pour montrer que le fascisme avait une base rurale, car c'était un fascisme extrêmement rural, terrien, invitait souvent des paysans venant du Nord en train ou en camionnette, avec à leur tête, bien sûr, le curé et le maire, rasés de frais, comme on dit dans la pièce. Et on apportait nos provisions et on venait visiter la capitale avec billets gratuits et voir le président. Et on écoutait comme ça Salazar faire un discours aux représentants authentiques du peuple portugais, la terre, les analphabètes, pourquoi pas les sourds-muets, etc. Et ça permettait à Salazar de dire... Le fascisme a des racines profondément authentiques dans la réalité portugaise. Fascisme terrien, rural, etc. Porto, guarda, Viseu, Guimarães, Braga, Chaves, Bragança, do Norte, de Trás-os-Montes, do Minho, plus haut que le Nord, les villages nichés dans les montagnes. Aujourd'hui, nous renouons avec la grande tradition. C'est bien ça, hein, monsieur le curé? Nous sommes invités, hein, monsieur le curé? Fomos convidados, não fomos? Fomos. Pois. C'est ça même. T'en fais pas, pécor. 15 heures, place de l'Empire. C'est la sauterie du siècle. La revanche. A des chevaux. Vous êtes invités, convoqués, par un jogo, un divertimento. Faut vous pomponner, parfumer, nettoyer, astiquer. Surtout toi, pécor. On va régler des comptes. 15 heures, place de l'Empire. À Belém, au pied de la fontaine lumineuse et des jets d'eau. Jacques touche d'agua. On t'attend patiemment et c'est signé ton président. O temps du Sr. António Salazar, on faisait souvent ce voyage. Olha a bela batatinha frita, é sardinha da fresca ou freguesa, é o 3442, e amanhã da roda. On déjeunait le long du Tage. O presidente da Câmara, le curé, marchait devant, tous rasés de frais. Et à 15 heures, après avoir visité la capitale, on voyait le président. Il avait toujours l'amabilité de nous dire que nous étions le cœur de la patrie. Et quand il était triste, c'était nous qui l'appelait. Nous les surmués, nous les analphabètes, nous les simples, nous les mendiants, nous la terre. C'était nous qui l'appelaient, c'était nous. Era pour nós que ele chamava. J'ai apporté des fleurs au président. Des fleurs des champs. Le président nous attend. J'entends la voix. Déjà, la voix du président. Il y avait donc un certain nombre de tocards loués ici ou là dans le nord et qui devaient descendre pour la revanche. Le plus dangereux n'étant pas ces paysans enganados. Si, c'était dangereux, mais le plus dangereux, c'était les voitures dans lesquelles il y avait des armes. Et en particulier... Les cercueils. Oui, enfin, ça c'est la pièce. Dans la pièce, il y a un cercueil avec des armes chargées d'armes. Alors que dans la réalité, mais ça c'est extraordinaire, comme anecdote historique qui synthétise cette nuit du 28 septembre. Ces représentants pour moi de l'idéologie de la mort que sont les fascistes, ce général, ce torero et ce curé, et tous praticiens de la mort, que ça soit comme acte torero, que ça soit comme discours sur la patrie générale et boucherie historique qu'a été l'Angola et bien d'autres encore, et curé lui aussi, se retrouve à véhiculer sur les épaules le grand symbole de l'idéologie de la mort, le cercueil. Nous voulons bien laisser ouvrir le cercueil pour que vous renifliez le mort, mais par un soldat. Par un soldat. La nuit du 28 septembre, discours du général. Baptisé comité de vigilance populaire, vigilancia popular. Mais ça ne suffit pas. Il faut que l'armée soit avec vous, là, ici présente. Présent les hommes sans sommeil du 25 avril. Présent les capitaines rouges. Présents les libérateurs, les sauveurs. Soldats, le peuple est avec toi, mais où es-tu? Dans ton lit douillet? Sur la route? Et pour qui marches-tu? Qui marche à ta tête? À qui obéis-tu? Quel est ton chef? As-tu encore des chefs? Où est-elle, l'armée? Dans cette nuit du 28 septembre, l'armée du peuple, forces armées, forces du peuple, forces armées, forces du peuple. Pourquoi? Si vous avez raison, n'est-elle pas avec vous? Enganado, fui enganado! Fui enganado, j'ai été trompé! Enganado, fui enganado! Fui enganado! Fui enganado, enganado, fui enganado, fui enganado. Enganado, j'ai été trompé, leurré, trompé, aveuglé même. Effectivement, le paysan était aveugle, idéologiquement. Pendant 48 ans de fascisme, il était aveugle. Et puis d'un seul coup, à la fin de ce voyage, qui est un peu une synthèse aussi de beaucoup de choses, de ces 48 ans de fascisme et de l'accélération de l'histoire dans cette nuit du 28 septembre, eh bien il fait un saut. Il fait un saut et il ouvre le cercueil et il ouvre les yeux en même temps. Et il passe de l'aveuglement à une certaine conscience plus ou moins lucide de la réalité. En tout cas, il découvre qu'il a été trompé. Trompé à l'occasion d'un voyage, d'une invitation qui relevait d'un certain merveilleux, comme voir les lumières de Natal à Lisbonne, comme certains descendent pour voir les éclairages de Noël dans la grande ville, trompé à l'occasion d'un tel voyage, au fond, voir la fontaine lumineuse, Jacques Touche d'Agua, les jets d'eau devant le palais présidentiel, car c'est une belle place, Praça do Império em Belém, incontestablement, et trompé surtout, car c'est ça quand même la fable, trompé par 48 ans de fascisme. Fui enganado! Enganado, fui enganado! Fui enganado, j'étais trompé! Enganado, fui enganado! Fui enganado! Fui enganado! Enganado, fui enganado! Quando vem um tipo de árvore, que é o senhor Grande, que também anda a tratar desse assunto, foi dos que tomaram também junto dessas propriedades ali o pé de Évora, e então veio cá a comunicar, mas o homem já cá não estava, o João Valadas, tinha acabado de abalar no carro e levar a filha para Évora, porque anda lá a estudar, e eles foram a ver o encontro dele. Não mesmo, que ele cá tivesse, aquilo não parava mesmo. E foi, e falámos a máquinas, que me disse há bocado, também nenhum para lá quis ir, porque todos tinham dificuldades, tinham voltas a dar, mesmo pagando, não convinha ir para lá. Só convinha para outras, para ali, para o outro lado. E todos têm a máquina. A reação é ainda muito grande. Ils sont comme au medo, pensent qu'ils se virent pas trash. Ils ont trop de peur, la réaction, et ils pensent que ça peut retourner en arrière. Il croit encore que ça peut revenir en arrière. Se isto há 48 anos, 50, que estão a viver nisto, não é? As pessoas dão, parece mentira que isto vai ser. É isso aí que é. Elle dit depuis 50 ans qu'on a vécu sous le fascisme, enfin c'était comme ça, les grands avaient le pouvoir et maintenant nous avons beaucoup d'espoir et nous savons que ça va changer, que ça ne peut plus revenir en arrière. Le patron, le 25 d'avril, dava X au Morale, il s'appelle agent Morale. Depois du 25 d'avril, le Morale dit au patron, mon patron, il est tout augmenté, veja là que... Raconte l'histoire d'un homme qui va... Também tem que ganhar mais qualquer coisa. Le 25 coisa. Avril, ganhei X. E que après, fez o homem? Il a demandé à son patron d'être augmenté, parce que l'avis avait augmenté un petit maneira, peu. Disse o homem. Eu só sei falar assim, não sei falar cá delicadamente. Olha, as ovelhas estavam umas a parir, outras estavam prenhas, umas com os borregos a quase a largar, e uma vender tudo. E tu governas se quiseres. Et le assim patron fez, lui a répondu, nem deixou acabar de parir as ovelhas, répondu, borregos, je vais tout vendre, et tu n'auras plus de travail. Et le patron a tout vendu, bêtement, même des petits moutons, des moutons qui allaient avoir des brebis, et il l'a fait arrêter de travailler. Isto foi tudo para fazer na fome. Sim, sim, sim. Havia um que era... Isto não tinha coisa. Havia um tipo que era muito rico, lá perto de Lisboa, tinha um laranjal grande, e foi lá um negociante, lhe chamava a gente cá, para comprar as laranjas todas. Ele pediu-lhe 5 escudos cada quilo. E ele disse, para vender por esse dinheiro, mandou-os apanhar em tarros. E assim fez, mandou-os apanhar todas, e abriu lá uma vala com um caterpillar, fez um buraco e meteu-os toda lá dentro. Há patrões que, por empêcher que les gens ganhem de l'argent, arrivent même à faire um grande trou dans la terre e a enterrer todas as oranges, porque elles ne sont pas vendues, ao prix qu'il ne veut pas. Il veut augmenter, comme les lois l'empêchent d'augmenter les prix. Alors, eux, ils préfèrent jeter et enterrer les oranges dans la terre. Para fazer a miséria. Pour faire la miséria. Para fazer a miséria, só mais nada. São muitos fascistas. Nós marcamos uma consulta, vamos supor, para o médico da vista. Sim. Temos 5 ou 6 meses à espera Madame da consulta. Que se vamos com nossa pagar a consulta, por nossa prévoyance médicale, il reste encore beaucoup de fascistes qu'il faut faire le saneamento, parce que. Saneamento, c'est-à-dire l'assainissement. Oui, parce que. Enfin, l'élimination des fascistes, parce que quand elles veulent faire une consultation, elles attendent des années pour l'avoir. Se nós queremos. Temos que ir ao médico, sim, temos que ir mesmo. Pagamos à nossa conta. Fui enganado, j'ai été trompé, enganado. Ce qui est plus important, c'est de dire, peut-être aujourd'hui, dépassant l'anecdote, qu'enganado, c'est un mot du vocabulaire de la Révolution portugaise, très important, comme d'autres, comme boato. Boate, ça veut dire rumeur, bruit qui court, à une vitesse prodigieuse, que les fascistes font souvent courir, pour encore une fois tenter un certain. Mais il y a comme ça peut-être un lexique qui se construit des mots révolutionnaires, et enganado s'en est un. Et je crois qu'il faut rattacher l'enganado de ce paysan, à la fin de la pièce, à enganado du 11 mars, de ces parachutistes qui venaient, répondant à des ordres d'officiers spinolistes, ils ne le savaient ou ils ne le savaient pas, toujours est-il qu'après ce débat extrêmement fort et tendu entre la population quand ils étaient devant la caserne du Raloum pour occuper et prendre cette caserne du MFA, encore une caserne qu'on dit à chaque fois rouge, eh bien, la population s'est introduite entre les deux. Le capitaine de Raloum est sorti et a dit alors, mais qu'est-ce que vous venez faire? Pourquoi vous essayez d'attaquer la caserne du Raloum? Mais nous avons un ordre, un papier. Et l'autre dit, mais vous attaquez une caserne parce que vous avez un papier. Bon, un débat extraordinaire qui dure 2 heures avec la population civile entre deux et toutes ces armes posées, etc. Et tout ça dans un terrain vague en face d'une caserne. C'est là qu'on devait s'étriper ce matin-là. Au bout de 2 heures comme ça de discussion, les parachutistes finissent par déposer les armes et disent « Fomos enganados, on a été trompés ». Et ça se termine en pleurant car ils se sont aperçus après discussion et ordres qui viennent et éclaircissements. Le grand mot de la révolution portugaise, de la dynamisation culturelle, c'est éclaircissement civique. Et c'est très important après ces 48 ans. Et aussi, c'est très important dans le quotidien par rapport à ces boatos, à ces rumeurs. Et la caserne du Raloum, ça se termine par « Fomos enganados ». Et tout le monde se met à pleurer car aussi on pleure au Portugal dans ces cas-là. Alors à la faveur du 11 mars, évidemment, les flics de la caserne de Lisbonne, ils ont emprisonné leur général, car le général a été changé, il était pro-MFA, ils l'ont emprisonné en se disant « ça y est, on a gagné, Spinola est revenu, ta-ta-ta-ta-ta, on va refaire le coup et on va la refaire encore une fois la revanche ». Ils y croyaient, manque de peau, ça s'est pas bien terminé pour eux, et ça s'est terminé en tout cas par ce discours de l'officier du général du MFA qui leur dit « encore une fois, vous avez été enganados, mais est-ce que c'est une maladie chronique ?» Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Que no monte é que eu estou bem, que no monte é que eu estou bem. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte. Onde não veja ninguém, que no monte é que eu estou bem. Chanson des paysans de Beira Baixa, au nord du Portugal. Je veux aller sur le mont, c'est sur le mont que je suis bien. Là où je ne verrai personne. Je veux aller sur le mont. Ces maisons sont peintes à la chaux. Quelle fut la femme qui l'a peinte? Ce furent le fiancé et la fiancée avec une branche d'oranger. D'un ramo de laranjeira, quem seria a caiadeira? ACR, Atelier de création radiophonique. Atelier de création radiophonique, Grandola, Portugal, par Richard de Marcy, René Farabet, Teresa Motta. Assisté de Anne-Marie Abou, Janine Antoine, Viviane Vandenbroek. Collaboration technique, Daniel Bizien, Monique Burguière, Michel Créis. 25 avril, 1er mai, 14 août, 28 septembre. La Révolution avec œillets rouges. La rue, le stade, la maison, la radio. Lisboa, Barreiro, Alentej. Paysans, ouvriers, militaires, le peuple et l'armée. Mouvement populaire, manifestation, discours, discussion. Quatrain populaire, régonche, chant. La nuit du 28 septembre. De Richard de Marcy. Fragment. José Afonso, Maria Cabral, Luis Cilia, Anna Carvalho, Joan Lagarto, Colin Harris, Jean Aubet, René Patrignani, Yanis Tritsibidas. Grandola, Portugal. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 juin 1975. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.